Oui. Au dernier recensement, ça date de 1870, la dernière fois qu'il y a eu un temps pareil. C'est quoi, il pleut beaucoup en France? Il fait froid? Moi, j'aime la poutine. Bye. Thank you.